Dis, que direz-vous si cette révélation s'avère venir d'Allah et que vous n'y croyez pas, qu'un témoin parmi les fils d'Israël en atteste la conformité au Pentateuque et y croit pendant que vous, vous le repoussez avec orgueil. En vérité, Allah ne guide pas les gens injustes.